un gros bolide à MG63. Pour les rats qui se meufent les sous-popos. C'est la caisse, on recherche pas d'emploi. Une manchette, deux manchettes, ça se prend pour tempo. J'arrive dans le game pour faire un attentat. Et gros, si tu m'aimes pas, tant pis. Pour les frères à Corba, les rapteux, les ratus qui caressent le jumpy. On s'en bat les clés, oui, demande leur si j'arrête tout et dire ben oui. On s'en bat les clés, oui, demande leur si j'arrête tout et dire ben oui. On s'en bat les clés, oui, demande leur si j'arrête tout et dire ben oui. On s'en bat les clés, oui, demande leur si j'arrête tout et dire ben oui. Au quartier, j'suis posé, y'a que des crasseux qui se prennent pour longtemps. C'est votre cap arrosé, deux bouteilles, trois bouteilles, va pas leur dire qu'est-ce temps. Les rails sont trop chauds, tous bourrés, ça criait les bengas. Pour Adam et Crapaud, on dira bingo quand y'aura la liberté. Comment fallait oser, j'ai de l'inspi, j'ai pas besoin de Genja. C'est pour le poteau Genji, j'encule TMC qui valorise les Khamja. On s'en bat les clés, oui, demande-leur si j'arrête tout et dire ben oui. On s'en bat les clés, oui, demande-leur si j'arrête tout et dire ben oui. On s'en bat les clés, oui, demande-leur si j'arrête tout et dire ben oui. On s'en bat les clés, oui, demande-leur si j'arrête tout et dire ben oui. Est-ce que je vais tout niquer? Premier son, je peux dire à ta sista. Et ouais, le rap gros, c'est compliqué. Comme revenir chargé en fin de fiesta. T'étais un bon, t'es devenu un gros fils de. Je le lendemain, t'as retourné ta vista. Je te mettrai pas ton coup même si t'insistes. Moi, je suis comme basse en terrain, j'ai la grinta. C'est pour Momo Gringo. Tu comprends si je dis hasta la vista. Mais le son à bas dans le Clio. D'ici 3 mois, je ferai des trucs comme Binto. Je fais tout tomber, moi, je suis jamais le perso. J'aurais voulu être dans l'équipe du Niesta. Pour pas feu à la talo. Mais faut qu'il reste même après des années de tragro. Et ouais, j'ai fait tout bander. Je fais danser les gamins et les bagras. Avec des sous, je vais changer. C'est sur les routes que je deviendrai plus sympa. Ça tourne de Lyon à Saint-Thé, que des NL qui vont pas les impôts. Si Chiffleur a dit oui, je sais que tu vas kiffer même sa vérité tempo. Pour les Rachel comme Harry, ceux qui encaissent les coups mais qui parlent pas. Pour ceux qui font l'arrière-prix, pour ceux qui riches et qui comptent pas son papa. Ça sort le KTM même si un sale temps, en hiver c'est lunettes et doudoune Kécho. NABS et l'allemand, on risque de vous choquer même si j'aime pas la hagro. On s'en bat les clés, oui, demande la si j'arrête tout et dire ben oui. On s'en bat les clés, oui, demande la si j'arrête tout et dire ben oui. On s'en bat les clés, oui,